gardien d'un jour j'ai un veste. Et j'allais pour nous faire sa bâtisse. Madiana, madiana, coupe de calas. Depuis bon matin, il casse son nez. Oh madiana, oh madiana, oh madiana, oh madiana. Madiana, madiana, on nous a laissé. On nous fait savoir ça qui t'inise. Madiana, madiana, qu'est-ce qu'on t'en fait. Oh, dance.